Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Lorsqu'en 1961, l'écrivain italien Alberto Moravia, l'auteur du Mépris, qui sera adapté au cinéma par Godard l'année suivante, parle de son grand ami Pier Paolo Pasolini, il le présente mieux que personne. Pasolini a 40 ans, c'est un grand ami à moi, c'est un écrivain du Nord, c'est un poète, un philologue, un romancier, un critique, un acteur, un directeur de cinéma. Alors vous voyez, c'est une personnalité excessivement variée et puissante. C'est, à mon avis, c'est le poète le plus original qui est paru dans l'après-guerre. Fior de limone, ma chi sarà sto giovane per bene? Un popolano oppure un gran signore? Sept ans, quelle est la vérité des rêves? À part celle de nous rendre anxieux de la vérité. Je vois que ma vie devra renoncer à ce que les hommes appellent vivre et se recueillir tout entière dans une vision poétique des événements, transformer toujours en être fantastique ce qui se produit d'ordinaire de la façon la plus banale qui soit. Bonjour Nathalie Castagnier. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes écrivain, vous êtes traductrice de Pasolini, vous avez co-traduit un recueil disponible chez Gallimard qui s'appelle Poésie, ce sont les poésies de Pasolini, 1943-1970. Vous étiez plusieurs personnes à entreprendre ce travail formidable, car désormais toutes ces poésies sont accessibles. La citation que je viens de lire est de Pasolini, évidemment. Je vois que ma vie devra renoncer à ce que les hommes appellent vivre et se recueillir tout entière dans une vision poétique des événements. Est-ce un refus de vivre ou un enthousiasme poétique? En réalité, je pense que c'est à ce moment-là, une déclaration un peu pessimiste par rapport à la poésie, alors qu'il a eu un moment tout de même au départ où la poésie lui a semblé être le moyen, peut-être, de traduire une adhésion au réel, à ces moments où les choses révèlent comme leur source pour un esprit contemplatif, tel que, et mystique d'ailleurs, tel que celui de Pasolini. Et ça s'est passé aussi par, cette chose-là, est passé aussi par le Frioulan, par l'usage du Frioulan, puisqu'il a commencé par écrire, en Frioulan. À vrai dire, il dit lui-même qu'il a commencé à écrire des poèmes à 7 ans. Et le Frioulan n'était pas vraiment sa langue maternelle. C'est un dialecte italien. C'est un dialecte. Enfin, italien. Alors, oui. Bien sûr, italien. Je dis que ça n'est pas sa langue maternelle. En réalité, c'est complètement lié à sa mère, parce que précisément le Frioul est la région natale de sa mère. Et donc, cette langue est également liée à Suzanne, à cette mère qui a eu tellement d'importance dans sa vie. Mais il est retourné au Frioul, en fait, je pense qu'il est retourné pour les vacances, mais il y était au moment de la guerre, ou juste avant la guerre. Et là, il enseignait d'ailleurs, et un jour il entend, enfin ça c'est un peu, ce n'est pas la légende, c'est quelque chose qu'il a raconté lui-même. Il entend un de ses élèves qui, pour dire le mot rosé, qui se dit rugiada en italien, dit rosada. Et pour lui, ça lui semble dire la rosée de façon beaucoup plus juste que le mot de la langue italienne. Et finalement, cette langue, il commence par l'apprendre et il écrit en Frioulan. C'est d'ailleurs également, il faut le dire, un acte politique, déjà, parce que c'est un acte qui va contre l'uniformisation réclamée par le fascisme. Mais c'est un acte poétique d'abord, parce que à travers cette langue, il lui semble pouvoir toucher cette sorte de source de révélation de la réalité qui va être la chose qu'il va poursuivre tout au long de sa vie. C'est ça qui l'obsède en réalité, c'est arriver à nommer ce réel qu'il qualifie tantôt de sacré, oui, parfois d'énigmatique ou de presque trop présent. Et au fond, que ce soit la poésie, la littérature, la critique ou le cinéma, ce ne sont qu'autant de moyens que de tenter d'essayer de dire ce réel qu'il a devant les yeux. C'est effectivement probablement plus par la poésie et ensuite par le cinéma, qu'il appellera d'ailleurs cinéma de poésie. C'est cette tentative de toucher effectivement de rendre cette présence dont vous parlez et qui est évidemment pour lui une chose qu'il a complètement ressentie. Cette présence des choses, cette présence du réel, dont il se sent à la fois divisé par son statut bourgeois, cultivé sans doute aussi, intellectuel, mais qui est quelque chose qu'il connaît complètement. Il en a une perception, évidemment, dont témoignent ses poèmes, son cinéma, sa littérature, si on doit employer ce terme, ou d'ailleurs, comme dans certains de ses films, passe des poèmes. Enfin, dans Théorème, il y a des poèmes, ouais. Dans Médée, il y a des poèmes, mais en plus, la langue même cinématographique et littéraire, disons romanesque, peut aussi avoir quelque chose de... Enfin, romanesque peut-être pas, parce que dans ses romans, c'est quand même autre chose qui s'exprime, de plus historique. Mais d'ailleurs, il le dit très clairement, oui, il place la poésie au-dessus de la littérature. Absolument. Oui, oui. Ce n'est pas tout à fait de la littérature, parce qu'au fond, il est à la recherche de... Comme tout poète, enfin, beaucoup de poètes, je pense, il est à la recherche de quelque chose qui est antérieur au langage, qui est un langage, mais qui est une source du langage. Et il se trouve confronté à ce mystère, finalement, d'une présence qui est à la fois indicible, au-delà, en deçà des mots, et que pourtant, il a l'exigence de dire, étant poète. De dire, mais aussi de transformer. La citation que je proposais en début d'émission le dit bien, il veut transformer toujours en être fantastique ce qui se produit d'ordinaire de la façon la plus banale qui soit. Oui, mais c'est peut-être pas un choix, c'est peut-être une fatalité, plutôt, ça. D'être moins proche de ce qui est très simple, au fond. Je pense que quand il parle de transformer en être fantastique, il y voit quelque chose de déjà un peu altéré par rapport à ce qu'il veut faire. Je pense que son désir est d'être vraiment au plus près de ce que disent les choses. Et c'est ça, je crois, qu'il recherche vraiment. Et en Italie, il est d'abord connu comme poète plus que comme cinéaste. Absolument. Oui, c'est amusant. Parce qu'en France, on connaît très mal les poèmes de Pasolini. Pour nous, ça a été exactement le contraire. Ouais. On l'a connu comme cinéaste avant de le connaître comme poète. Il faut dire que c'était un autre moyen de le connaître comme poète. Mais en effet, il a été connu comme poète. Et, enfin, quelqu'un qui écrit des poèmes en Italie bien avant d'être... Il a commencé par là. Donc avant d'être connu comme cinéaste. On va retracer ensemble le parcours poétique de Pasolini. Vous l'avez dit au début, il écrit dans une langue qui n'est pas l'italien. Et puis comment progressivement cette langue va elle-même changer, la forme va changer pour finalement conduire au cinéma. Il le dit lui-même, il y a une sorte de bascule. Il y a un moment où le cinéma s'est imposé à lui comme mieux à même pour saisir le réel qui l'obsède et dont il veut nommer la présence. Alors, quelques textes ont été lus par un comédien, mais d'abord, vous vouliez faire entendre la langue de ses tout premiers poèmes, qui est si particulière. Voici donc un extrait des Litanies du beau garçon. C'est un extrait dans le recueil La meilleure jeunesse, hein, qui date de 1942. Il écrit ceci. « C'est aujourd'hui dimanche, c'est demain qu'on mourra. Je m'habille aujourd'hui de soie et d'amour. C'est aujourd'hui dimanche, dans les prés, d'un pied frais, les enfants sautent légers dans leurs petits souliers. » Chantant à mon miroir, chantant, je me coiffe. Il rit dans mon œil, le diable pêcheur. Sonnez mes cloches, chassez-le au loin. Nous sonnons, mais que regardes-tu dans les prés en chantant? Je regarde le soleil des étés morts. Je regarde la pluie, les feuilles, les grillons. Je regarde mon corps de quand j'étais enfant, les tristes dimanches, la vie que j'ai perdue. On t'habille aujourd'hui de soie et d'amour. C'est aujourd'hui dimanche, c'est demain qu'on mourra. Voilà, c'est un poème quand même assez significatif. Il y en a d'autres qu'on aurait pu prendre aussi dans un recueil qu'il a d'ailleurs écrit en italien, celui-là, et qui a été publié après Les Cendres de Gramsci, dont nous allons parler, le rossignol de l'Église catholique, où alors vraiment il y a une présence du monde rural chrétien complètement évidente. Enfin, il y a des dialogues aussi entre, c'est le village, c'est la nature, donc un enfant chardonneret ou l'âme, l'enfant. Il est beaucoup question du rosaire, des vêpres, des rites chrétiens. Il a pris, lui qui n'est qui a toujours, enfin, qui a dit qu'il était athée, même s'il a eu un moment, je crois, de grande religiosité, mais ça n'a pas duré. Il a pris ce détour, peut-on dire, enfin, pour évoquer un monde qui, pour lui, dans son archaïsme, était quelque chose de plus proche de la réalité. Et ça, c'est dans le Rossignol de l'Église catholique. Oui, mais ce sont deux, finalement, ce sont deux recueils qu'on peut quand même rapprocher l'un de l'autre. Parce que la langue du texte que je viens de lire est très fluide, presque enfantine. Absolument. En quatrain, parce qu'on verra qu'après, la forme change. Oui. Là, ce sont des quatrains assez classiques, avec des termes très simples, qui peuvent faire penser à des poèmes français qu'on peut connaître, presque du Verlaine, quelque chose de chantant et de simple. Oui, c'est de la poésie, on pourrait dire, élégiaque. Donc là, il a 20 ans quand il écrit ça. Et là, il est très jeune, oui, 20 ans. Et il continue quand même à écrire en partie dans cet esprit-là, des choses qui, en effet, sont extrêmement simples pour certaines. Parce que dans le Rossignol de l'Église catholique auquel je reviens, il y a plusieurs parties et certaines sont assez différentes de ce dont je parle. C'est-à-dire qu'il y a des poèmes quasi décadents où il parle de ses émois. Il y a beaucoup de poèmes à sa mère déjà. Il parle déjà de Marx. Enfin, c'est très hétérogène. Pasolini est quelqu'un qui sera hétérogène tout le temps, dans sa poésie, pratiquement. Il trouve d'une certaine façon un certain équilibre dans les cendres de Gramsci, et encore, mais oui, je crois que c'est un moment de relatif équilibre, mais ensuite, il y a toujours des choses extrêmement diverses, des formes d'expression très diverses dans ce qu'il écrit, y compris, enfin, dans ce qu'il réunit dans un même recueil. Alors, on va l'entendre parler, c'était en 1966, de ce recueil, le Rossignol de l'Église catholique. Le Rossignol de l'Église catholique, c'est un livre de poèmes que j'écris dans les mantins de poèmes en dialecte du Frioul. Le titre, c'est simplement une expression poétique. Et il s'agit d'un rossignol très hérétique. Qu'est-ce que vous exprimez dans ce livre de poèmes? Mon narcissisme. Vous savez, quand il exprime une chose, il exprime toutes les choses. Il faut l'exprimer, sa chose. Je considérais le frioulan comme une langue poétique dans le concret, c'est-à-dire prête pour la poésie. J'ai choisi les deux seuls chemins qui pouvaient me conduire à l'antifascisme, celui de l'hermétisme, c'est-à-dire la découverte de la poésie hermétique, et du décadentisme, et le second, celui qui me mettait en contact avec le mode de vie humble et chrétien des paysans, dans le village de ma mère, mode qui exprimait une mentalité totalement différente du style fasciste. Dans l'extrait qu'on a entendu, Nathalie Castagnier, dans les lignes que je viens de lire, en fait, on entend le programme. Il y a quelque chose de très clair dans ce qu'il dit. Même si la poésie est ce qui s'impose à lui, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il a recours à cette forme. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Et c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Et d'ailleurs, cette réflexion va peut-être l'éloigner un peu de la poésie. Mais c'est très difficile à la fois de créer et d'écrire sur sa création. Oui. Et lui tient les deux parce qu'il est critique d'art par ailleurs. Oui, et ensuite, y compris dans ses poèmes, il y a des moments où la réflexion dépasse la poésie. Et puis des moments où il se laisse à cette espèce d'abandon, si l'on peut dire, qui n'empêche pas la réflexion, mais où quelque chose la dépasse complètement. Mmh. À d'autres moments, elle submerge un peu la poésie. C'est étrange de... Ces poèmes charrient des choses très, très diverses. En tout cas, dans ce que je viens de lire, il y a la volonté d'avoir recours à la poésie pour se protéger du fascisme. Enfin, lui, il parle vraiment d'antifascisme, comme si l'hermétisme poétique était la meilleure arme contre le fascisme. Alors, l'hermétisme poétique, effectivement, apparaît aussi dans le Rossignol de l'Église catholique. Et Oui, c'est certainement, enfin, il le considérait, en effet, comme une arme contre le fascisme, puisque, bien sûr, il fallait être vitaliste. Il ne s'agit pas de vitalité désespérée, mais d'un vitalisme viril. Enfin, on connaît les idéaux fascistes. Et donc, évidemment, là, on s'en détournait complètement. Mais pour moi, le Frioulan, enfin, le recours au Frioulan et l'adhésion au monde que lui permet cette évocation d'un monde qu'il sait, au fond, presque déjà condamné, ce monde rural, chrétien, donc archaïque d'une certaine façon, lui donne un accès peut-être plus intéressant, selon moi plus juste, à l'expression poétique. Il continue à écrire et un peu plus tard, en 1957, paraîtront un recueil qui s'appelle « Les cendres de Gramsci ». Quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement grave, c'est arrivé dans la vie de Pasolini, qui peut-être avait quand même l'intention de laisser le Frioul, en tout cas pour Rome, mais du poète de Casarsa, donc le village de sa mère, qu'il était au départ, il va devenir un poète de la banlieue romaine, d'une certaine façon. Mais pourquoi ? Parce que, comme vous savez, il a été exclu du parti communiste auquel il avait adhéré, à cause d'une question de mœurs, puisqu'on a dénoncé son comportement avec des élèves, à lui, des jeunes élèves. Donc il est exclu du Parti communiste et il quitte le Frioul à ce moment-là, avec sa mère, pour s'installer à Rome. Et très rapidement, dans la banlieue. Et là, il découvre un autre monde, et un monde qui va être d'une richesse extrême, pour son inspiration. Donc au début des années 50 Parce qu'il publie les cendres de Gramsci en 57, il commence en 51. C'est ça. Ouais. Oui, oui. Et en tout cas, dans les années 50, et ça va être, oui, d'une immense richesse pour son inspiration poétique et bientôt cinématographique, d'ailleurs. Puisque la transition de la poésie vers le cinéma se fera juste après, ou à ce moment-là ? Très tôt. Acatone date de 61, si je ne me trompe. Son premier film. Et les cendres de Gramsci sont publiées en 57. Mmh. Elles ont donc été écrites, ça a donc été écrit avant, mais c'est très très proche. Mais tout ça va très vite en réalité, très très rapidement. Avant d'entendre un extrait des cendres de Gramsci, on va suivre Pasolini dans sa maison dans le faubourg de Rome. Écoutez-le. C'est la maison où j'ai habité pour 3 ans. Celle-là? De 51 à 54. Et j'écris là mon premier roman, Ragazzi di Vita. Je suis venu du Frioul et j'étais désoccupé à Rome pour un an en cherchant un travail. Après, j'ai trouvé un petit travail dans une école ici à Ciampino, très loin d'ici. Et j'ai travaillé pour 27 000 lire au mois. Et ici, j'ai eu l'expérience de la vie d'un faubourg romain. Et j'ai écrit mon premier roman, Ragazzi di Vita. J'ai écrit des poèmes, Les Cendres de Gramsci. Et j'ai fait de l'anthologie de la poésie dialectale italienne, et une anthologie de la poésie populaire italienne. J'ai travaillé beaucoup dans cette année-là. Celui qui se promène dans les rues de Rome, c'est Pier Paolo Pasolini sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Aujourd'hui, en compagnie de l'écrivain et traductrice des poèmes de Pasolini, Nathalie Castagnier. Pasolini nous raconte comment il est arrivé à Rome, comment dans son écriture, la transition s'est faite à partir du moment où il est arrivé à Rome. Et est né ce recueil qui s'appelle Les Cendres de Gramsci. Avant d'en entendre un extrait, vous verrez comment la langue a changé. En plus, le poème est lu par Georges Claise, donc on entendra vraiment le changement de langue et de lecture. Peut-être dites-nous, aidez-nous à comprendre, Nathalie Castagnier, la genèse de ce recueil-là. Gramsci, c'est un intellectuel communiste qui s'est fait exclure ensuite du Parti communiste. Oui, et qui a écrit en prison. C'est une grande figure. C'est une grande figure du militantisme et de l'engagement politique de gauche, bien sûr. et les cendres de Gramsci. On va laisser un peu le mystère sur ce titre, mais je pense que c'est assez, en même temps, c'est peut-être assez clair. Voilà, qu'est-ce qui reste de Gramsci en Italie, puisque à partir du moment où Pasolini découvre la banlieue romaine et Rome, il devient aussi le poète, ce qu'il était quand même avant. Je ne veux pas faire de coupure trop radicale, mais enfin, oui, de ce qu'il avait été quand même du poète relativement extrêmement relié à certaines racines, mais redécouverte en quelque sorte dans Frioul, il devient le poète de l'Italie et c'est ce que l'Apennin qui va être lu. Donc c'est le titre du poème. L'Apennin, qu'est-ce que c'est l'Apennin? C'est la chaîne de montagnes italienne et donc c'est un voyage dans l'Italie. Du reste, en plus, vous avez parlé, je crois, de l'histoire de l'art, enfin, dont Pasolini était, enfin, il avait suivi des cours de langue. Et ce voyage se fait aussi, il est sans arrêt question, il va en être question là encore dans l'extrait choisi, sous ses paupières. Ses paupières, c'est celle d'Ilaria, c'est-à-dire celle d'un tombeau de marbre sculpté par Jacopo della Quercia. Mm-hmm. Et qui se trouve dans la cathédrale de Luc. Donc il y a un mélange de culture et de nature, si l'on peut dire, dans ce poème, et qui est un ensemble qui n'est pas encore défait, me semble-t-il, malgré les cendres, qui n'est pas encore défait. Et c'est un moment, sans doute, où aussi Pasolini veut se poser tout de même comme grand poète italien. C'est une volonté de sa part. Je pense. Et d'ailleurs, il intitule ses cendres de Gramsci « Poemetti », ce qui est très trompeur pour nous. Ça se traduit par « petit poème », mais en réalité, un poème en italien, c'est une épopée. C'est-à-dire que c'est une petite épopée, peut-être, mais quand même de l'ordre de l'épopée. Un poème ambitieux. Oui, oui, oui. Alors voici le poème. D'abord, quelques vers lus par Pasolini lui-même en italien. Et puis ensuite, l'Apennin, c'est le titre du poème, lu par Georges Clès. Les ceneri di Gramsci, 1954. Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buia. O l'abbaglia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere e ai turchini monti del Lazio. Théâtre montagneux aux silhouettes ivres, chaulées, muets, c'est la lune muette qui te fait vivre, tiède sur la Lucchésie, au pré trop humain, brûlante sur les rives de la Versilia, si pleine au-dessus du vide de la mer, hébétée au-dessus des soutes, des carènes, des voiles rabougries, après des voyages d'antiques pêches populaires entre l'Elbe et l'Argentario. Sous les paupières closes, des garçons romans chantent au cœur de l'espèce des pauvres, restés toujours barbares depuis les premiers temps, étrangères aux événements secrets de la lumière chrétienne, à la succession nécessaire des siècles. Et ils font de l'Italie une chose à eux, ironique dans un rire dialectal qui porte en lui, gravé comme une obsession, non une ville ou une province, mais un coteau ou un quartier. Quand chacun, enfermé dans la chaleur du sexe, sa seule mesure, vit au milieu d'une humanité abandonnée au cynisme le plus réel et à la passion la plus réelle, à la violente négation de soi-même et au don violent de soi-même, clair dans son mystère, car pur et corrompu. Alors que chacun d'eux connaît d'expérience le langage ingénu de l'incrédulité, de l'insolence, de l'ironie dans le dialecte le plus sage et le plus perverti, il clôt dans l'inconscience les paupières et se perd en un peuple dont la clameur n'est que silence. Les oreilles les plus aiguisées auront reconnu le rythme si particulier à ce poème. Nathalie Castagnier, il porte un nom, enfin la métrique, d'un point de vue métrique, cette forme porte un nom, c'est des tercets dendécasyllables. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? 11 pieds. Et ça veut surtout dire que d'un point de vue de la forme, c'est qu'à la fin de chaque tercet, le mot suivant est dans le tercet suivant. Donc en fait, on est amené à lire ce texte sans fin. Oui, et vous avez perçu un climat déjà très différent, je pense. Parce que, ne serait-ce que par rapport à la chrétienté, puisqu'il dit qu'au contraire, là, d'ailleurs à Rome, paradoxalement, Pasolini découvre un monde qu'il n'estime, dans la banlieue romaine, dans un monde qu'il n'estime pas chrétien le moins du monde. Et il y a ça déjà dans ce poème-là. C'est dans le Frioul que les rites sont présents, respectés et suivis. Et là on est déjà dans un autre versant. Et un autre versant poétique, comme on le voit tout de suite. Hein. C'est de la poésie qui se pose beaucoup, je trouve, au moins dans ce poème-là, comme tel. C'est de la grande poésie, je trouve, mais très consciente d'elle-même, moins simple, portant un monde beaucoup plus large, bien sûr, sans doute, mais voilà, c'est un tournant d'une certaine façon, je pense. C'est aussi le tournant du régionalisme vers le nationalisme. Enfin, oui, le régionalisme plus large même que le. Je n'aimerais pas trop employer ce terme parce que c'est pas, enfin, le régionalisme, ça sonne toujours un peu désuet, alors que. Oui, il y a quelque chose du passé, enfin archaïque sans doute, mais c'est plus profond. Enfin, je pense que la recherche réelle est celle de racines, d'une source, quelque chose peut-être souterrain que je ne voudrais pas réduire au régionalisme, parce que Pasolini sait très bien aussi qu'un certain langage populaire peut être folklorique et il ne veut pas du tout de ça, bien sûr. C'est autre chose qu'il recherche. Précisément, dans ce poème, on entend cette autre chose qui est une ouverture vers un ailleurs. Il y a une amplitude qui n'était pas présente dans ces textes de jeunesse. C'est vrai, mais l'adhésion à quelque chose de mystérieux dans le monde fait qu'il y a une ampleur malgré tout d'une autre sorte, me semble-t-il, dans certains poèmes de jeunesse. À quoi pensez-vous ? Quel type d'ampleur ? Une ampleur ? Une ampleur, enfin en tout cas, quelque chose qui n'est pas restreint. Voilà. Plus, oui, on peut se dire, c'est des petites choses, c'est l'écho d'un monde qui lui-même est relativement restreint, mais... Il y a une sorte de champ qui fait que on atteint quand même autre chose, me semble-t-il. Enfin, on atteint quand même quelque chose qui est essentiel à la poésie, en tout cas. Mm-hmm. Et dans ce poème, le poème qu'on a entendu, L'Apennin, et d'autres poèmes des cendres de Gramsci, on y entend, alors peut-être est-ce l'importance de la forme, mais il y a autant la poésie que presque les mathématiques, il y a du calcul, il y a un pas qui se compte. Oui, c'est vrai. C'était quelque chose de très important pour Pasolini ? Je pense que ça l'a été à un moment. Et qu'ensuite, il a voulu faire exploser un peu tout ça. Ce qui va devenir assez vite, d'ailleurs, dans ce qu'il va écrire d'autres. Et il est en constante recherche. Donc, il ne veut pas se tenir à quelque chose de trop stable, je dirais. Et puis, je crois qu'il est poussé par une force. Il est poussé par ce qu'il découvre, il est poussé par ce qui l'entoure aussi, il est poussé par la transformation du monde, qu'il ne va pas pouvoir exprimer de la même façon. Donc, il va très vite y avoir quelque chose qui prend beaucoup de place, c'est son engagement politique, et qui prend de la place au sein même de sa poésie. Sa vie, et beaucoup d'éléments biographiques, il y en a toujours eu, hein, mais il va s'exposer énormément dans ce qu'il écrit. Donc tout ça, quelque chose aussi de quotidien, puisqu'il va porter témoignage au fil des jours, en écrivant dans des journaux aussi, en écrivant parfois sous forme poétique dans des journaux. Il va porter témoignage de toutes sortes d'événements et de sa vie même. Et tout ça va engager son trajet poétique dans d'autres formes encore, qui vont apparaître très tôt, puisque tout se passe très vite. Il meurt quand même, il va mourir quand même très jeune. Et tout se déroule... À 53 ans, donc il est en 1922 et il meurt en 75. Oui. Donc tout se déroule très rapidement, et puis donc la poésie devient l'autre forme d'expression à côté du cinéma. Et encore une fois, le cinéma est une autre forme d'expression poétique. Mmh. On va voir très vite aussi dans Poésie en forme de rose, qui est 61-64, hein, les dates, une forme de désespoir quand même qui va s'instaurer très vite par rapport à ce qu'il perçoit du monde. Alors, pour comprendre ce lien entre poésie et cinéma, puisque vous l'avez bien dit depuis le début de cette émission, hein, c'est le même geste, oui, qui le conduit vers une forme, vers une autre, on va l'entendre tout de suite parler du cinéma, de cette simplicité de la technique cinématographique, et écouter l'archive jusqu'au bout, hein, ça dure 44 secondes, et vous entendez qu'à la fin, il qualifie la réalité de sacrée. On va l'écouter, puis on va voir comment est-ce que ça se transpose dans ses poèmes, Nathalie Castagnier. La technique cinématographique, c'est très facile. Il y a peut-être des codifications et une prosodie restrictive, donc difficile, peut-être dans les montages. Mais ils ne sont pas des difficultés aussi terribles, aussi épouvantables comme on croit, comme d'habitude. Quelquefois, c'est suffisant de suivre l'instinct du rythme aussi dans les montages. La raison de la simplification, ce n'est pas la lutte avec la technique, mais c'est une raison plus profonde. Et c'est ma façon de voir la réalité comme une apparition sacrale. Une apparition sacrale, dit-il. Et cette notion de sacré quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup développé sur ce point, vous avez dit qu'il était né dans un environnement chrétien, mais que lui-même s'était toujours revendiqué athée. En réalité, ça l'obsède, il y revient beaucoup. C'est une vision mystique qui n'est pas religieuse à proprement parler, je pense. Mais le sacré a évidemment une importance capitale chez Pasolini. Il l'a par cette perception d'une présence qui, en effet, conduit tout de suite à prononcer le mot sacré, je crois. Et cette présence, il la cherche, en effet, parce qu'elle lui semble plus accessible, plus transposable peut-être par le filmage, je ne sais pas comment dire, décor. Peut-être que c'est une chose plus directe, qui se donne plus directement que par la transcription, si l'on peut dire, en langage écrit. Alors qu'il cherche quelque chose qui est d'avant l'écrit, en réalité. Et ça, c'est le défi de la poésie. Il lui semble que c'est plus possible peut-être à atteindre par le cinéma. Mais quand vous dites mystique et quand lui parle de sacré ou de sacral, oui, est-ce que ça veut dire que ce qu'il y a, cette présence qu'il cherche à saisir et à questionner, renvoie vers un ailleurs, qui a un sens caché ou un sens au-delà, ou qu'au contraire c'est la facticité des choses, que les choses soient là en elles-mêmes, qui l'interroge, qui l'interpelle et qui le... Oui, lui ordonne d'écrire. Je pense qu'en réalité, c'est plutôt ça. La deuxième option, oui, que les choses soient, oui, et non pas qu'elles renvoient un ailleurs. C'est extrêmement difficile à dire, parce que je pense que quand on a cette espèce de perception de présence, c'est peut-être pas un hasard si quelque chose de religieux quand même se mêle très souvent chez Pasolini à son athéisme, enfin au refus du religieux. C'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux, mais je crois que Moravia disait, alors Moravia qui est vraiment pas du tout mystique lui, mais disait « je ne suis pas religieux, je n'ai pas de religion parce que je crois au mystère ». Alberto Moravia, qui est un ami de Pasolini, exactement, qui a la voix ouverte cette émission. Il me semble que... Il a énormément écrit de romans, de nouvelles. Qu'il a dit ça, lui. Et ce qui est amusant, parce qu'on ne l'attendrait pas vraiment de Moravia. On attendrait une déclaration pareille, peut-être, de Pasolini. Je ne saurais pas dire trancher, vraiment. Il a toujours revendiqué, si l'on peut dire, son athéisme. Mais cette présence est quand même un mystère. Donc, que dire? Que dire sur Théorème? Que dire sur l'invité? Que dire? Il y a une révélation. Alors, la révélation est-elle simplement dans les choses? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'un ailleurs dans les choses? C'est la question philosophique par excellence. Ah hein. Oui, vraiment, c'est très difficile à dire. Précisons aussi, avant d'entendre un extrait de la poésie en forme de rose, sur la réalité, justement, en 1964, que Pasolini lui-même disait que tout ce qu'il a écrit était d'origine quasiment autobiographique, c'est-à-dire qu'il puise toujours dans la matière de sa propre vie, même lorsqu'il écrit un texte plus politique ou absolument. Soi-disant plus oui. large ou universel, c'est toujours de lui qu'il s'agit. Oui, oui, oui, ça absolument, c'est très, très typique de ce qu'il écrit. On le sent. Il parle même de narcissisme à propos de son propre travail, c'est oui, son terme. Oui, et en même temps, il y a la question de payer de sa personne, qui est quand même là encore, c'est chrétien. Oui. Payer de sa bien personne, sûr, ça veut bien dire... sûr, ça. Ça peut venir de quelque chose de souterrainement chrétien, bien sûr. Oui. Alors voici un extrait de La réalité, poésie en forme de rose, 1964. Est-ce qu'il y a des choses, vous voulez nous dire quelque chose avant qu'on entende le poème, Nathalie Castagné ou... Non, écoutons le poème. Le voici. Oh, fin pratique de la poésie. À cause d'elle, je ne sais vaincre l'ingénuité qui m'enlève du prestige. À cause d'elle, ma langue se dessèche dans l'anxiété que je dois étouffer en parlant. Je cherche dans mon cœur seulement ce qu'il a. Je me réduis à cela. Quand j'écris de la poésie, c'est pour me défendre et combattre en me compromettant, en renonçant à toute dignité que j'avais autrefois. Apparaît ainsi, sans défense, ce cœur élégiaque qui est le mien, dont j'ai honte et fatigué autant que vital. Mon langage reflète une imagination de fils qui ne sera jamais père. Ah, nègre juif, pauvre horde, d'être marqué, d'être différent, né de ventre innocent pour des printemps inféconds, de vers, de serpents, horrible à votre insu, condamné à être atrocement doux, puérilement violent. Haïssez, déchirez le monde des hommes bien-nés. Seule une mer de sang peut sauver le monde de ses rêves bourgeois destinés à en faire un lieu toujours plus irréel. Seule une révolution qui décime ses morts peut en exorciser le mal. C'est ce que peut hurler un prophète qui n'a pas la force de tuer une mouche, dont la force est dans sa dégradante différence. Seul cela dit ou hurlé, mon sort pourra se libérer et commencer mon discours sur la réalité. Mon discours sur la réalité, c'est ainsi qu'il définit son travail poétique, Nathalie Castagné. C'est un discours et c'est sur la réalité. Oui. On est bien loin du rêve, de l'univers onirique dans lequel on pourrait associer la verve poétique. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de complètement, de vraiment vital et charnel et réflexif dans la poésie de Pasolini, par quoi il va tenter de rendre compte de cette réalité qui, sans arrêt, se dérobe d'ailleurs. Il parle d'un monde irréel, c'est extrêmement intéressant parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui a accès à une réalité. Il le sent par cette perception de présence qui fait qu'il est poète. En même temps, il se sent sans arrêt divisé, séparé de cette réalité, probablement par son statut de bourgeois, d'homme trop cultivé. Et pourtant, lui sait que le monde qui l'entoure est justement ce qui est en train de devenir un monde irréel. Parce que c'est un monde dévoré peu à peu, une chose qu'il déteste et donc contre quoi il s'est immédiatement élevé en écrivant, en frioulant, qui est l'uniformisation, qui va être l'un de ses thèmes. Enfin, on dit homologation. Et pourtant, on est en 1964, donc oui, c'est le tout début de l'uniformisation. C'est tout, le tout début, mais déjà il le sent. C'est en cela qu'il y a quelque chose de prophétique chez Pasolini. Et la consommation, bien sûr. Tout ça, il sent venir ce qui va faire du monde qu'il essaie de saisir, qu'il croit encore pouvoir saisir. Il va réaliser la trilogie de la vie avant d'abjurer. La trilogie de la vie, ces trois films. Bon, je parle de films parce que on peut pas le dissocier vraiment des poèmes, qui sont le Décaméron, les Contes de Canterbury et Les Mille et Une Nuits. La fleur des Mille et Une Nuits. Film absolument merveilleux. surtout, je dirais, Decameron et Les Mille et Une Nuits. Et d'ailleurs, là, on découvre quelque chose qu'on va également découvrir dans ses poèmes. Les Mille et Une Nuits, ça ne se passe pas en Europe. Et ça, c'est une chose extrêmement importante aussi. Nous avons commencé par un poète de Casarsa, du Frioul. Nous continuons par un poète de la banlieue romaine et de l'Italie. Nous allons continuer par un poète du monde, enfin en tout cas qui va s'écarter de l'Europe pour essayer de rejoindre cette fameuse réalité en allant la chercher ailleurs qu'en Europe, notamment en Afrique. Enfin, Les Mille et Une Nuits, ça n'est pas tout à fait l'Afrique, mais il y a l'Afrique qui est quand même présente. En Israël aussi. C'est en Israël aussi, bien sûr, où il dit que j'ai oublié la phrase, mais il parle de l'Europe en disant qu'il n'appartient plus à l'Europe. Et l'Afrique, évidemment, là, il y a un poème extrêmement célèbre qui est Fragment à la mort, qui finit par Afrique, mon unique alternative. Il va en Inde aussi, témoin l'odeur de l'Inde, un petit livre merveilleux qui relate un voyage fait avec Moravia d'ailleurs, et je ne sais plus si c'était Dacha Maraini déjà, je crois, ou Elsa Morante, et je ne me souviens plus. Petit livre de voyage qui est en fait plus poétique que documentaire, si je puis dire. Donc, de toute façon, la poésie est partout, mais voilà, il y a cette présence et ce raccordement, si l'on peut dire, de Pasolini à un monde qui n'est plus exclusivement européen et qui est même presque anti-européen. Mais il le regrette ou il s'en félicite ? Je crois qu'il s'en félicite plutôt, mais il le subit aussi. Il ne peut plus se contenter et se satisfaire de ce que devient l'Europe. Et bon, l'appel aux nègres et aux juifs, ce n'est pas un hasard non plus. Là, il dit qu'il cherche des alliances avec les parias de l'humanité. Mon langage reflète une imagination de fils qui ne sera jamais père. Ah, nègre, oui. Juif, pauvre, alors, hors d'être marqué, d'être différent, né de ventre innocent. Il faut quand même dire honnêtement que nous avons raccroché. Alors le poème est beaucoup plus long que ce que nous avons entendu. Le début et la fin du poème. Bien sûr. Mais ce thème du fils qui ne sera jamais père est une chose qui revient énormément. Et puis, le thème de la différence, évidemment, qui fait... Donc, l'homosexualité. Qui est quand même très présent dans sa poésie. On n'en a pas encore dit un mot, alors non, que bisexualité, il est beaucoup question. C'est extrêmement présent, puisqu'il parle de lui, et il est énormément question de ça. Si on avait plusieurs heures, il faudrait lire beaucoup, beaucoup de passages de poèmes où précisément il est question de sa rencontre avec des garçons et de sa recherche d'ailleurs sexuelle, parce qu'il y a ça aussi. On en parlera beaucoup demain. Je crois le savoir, donc c'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler. Mais n'empêche que il est extrêmement important et intéressant de saisir que Pasolini est totalement cohérent en cela. C'est-à-dire que ce soit dans sa poésie, dans son cinéma ou dans sa vie, la recherche de l'adhésion, de la réalité se fait à travers des corps finalement, qui sont ce qu'il n'est pas, qui sont des corps d'innocents, de ce qu'il voit comme innocent. C'est-à-dire des garçons d'abord paysans, ensuite, en effet, de la banlieue des faubourgs de Rome. Ce n'est pas un hasard si sont le seul compagnon qu'on lui ait connu est Ninetto d'Avoli. Et il y a d'ailleurs de merveilleux poèmes. Avant même le Hobby du Sonnet à Ninetto, il y a deux lettres poèmes très très beaux dans ce recueil, justement. Et ensuite des garçons, j'imagine, du tiers-monde. Et donc vous dites une cohérence entre son geste artistique, artistique et sa sexualité, évidemment. Oui. On ne peut pas imaginer Pasolini vivant avec un intellectuel. Ça n'est pas possible. Il ne peut que vivre avec, bon, en plus, quelqu'un nettement plus jeune que lui, mais quelqu'un qui appartient à ce qu'il sacralise d'une certaine façon, c'est-à-dire le peuple. Le peuple, l'espèce, il dit à un moment des corps de plus en plus semblables à l'enchantement de l'espèce. Dans un de ses poèmes, Enfin, puisqu'il y a une recherche multiple, évidemment, de corps de jeunes gens. Et il cherche, en effet, par là, de la même façon qu'il cherche dans le cinéma, par le sexe très présent, la nudité, la représentation du sexe et de la nudité, quelque chose qui rattache à une réalité qui échappe, c'est un peu la même chose dans sa vie. Une recherche frénétique d'une certaine manière dont il se retrouve malheureusement après, ensuite séparé. Mais il y a ça qui est une cohérence complète. La question fondamentale de Pasolini dans le poème et dans l'ensemble de son entreprise, c'est en définitive, au point où nous en sommes, qu'est-ce que nous pouvons affirmer ? Qu'est-ce que nous pouvons affirmer ? Qu'est-ce qui peut être réellement dit ? Voilà. Et c'est une partie de la question constante de Pasolini dans un monde dévasté, y compris dans ses hypothèses révolutionnaires ou transformatrices. Qu'est-ce que notre désir peut affirmer? Et ça, c'est typiquement poétique. Oh, ma carta fuggita tutto l'addosso! Dalla la catena che i bracciali! Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso, come i faraoni! Ma faccia a noi! Se volete l'oro, può venire a pesca! Ma è venuto al torcicollo, devo buttare! Si le sentiment d'amour qui me lie à cet endroit, à ce peuple, à cet homme, à cette femme, etc., est sincère, j'ai pu faire aussi de la poésie. Si elle n'est pas sincère, j'ai fait simplement de la littérature. Si le sentiment d'amour qui me lie à un homme ou une réalité est sincère, je fais de la poésie. S'il n'est pas sincère, je fais de la littérature. L'authenticité poétique. Ouais. Alors, quel constat? C'est ce que disait, alors, vous avez peut-être reconnu le philosophe Alain Badiou dans l'émission oui. Poésie Institute en 2016. Alain Badiou qui a travaillé sur Pasolini, qui a enseigné la pensée de Pasolini et qui le dit, hein, qu'est-ce que notre désir peut affirmer? Cette question est en soi poétique. Là aussi, cohérence philosophique et poétique, Nathalie Castagnier. Absolument, absolument. Et j'ai retenu aussi, bien sûr, dans ce qui était dit, le monde dévasté. Parce que ça, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement présent, qui devient très vite présent, d'ailleurs, dans la poésie de Pasolini, et qui fait, d'ailleurs, aussi que ça... C'est pas seulement, parce qu'il y a des choses absolument magnifiques, poétiquement, là-dessus, mais il y a aussi le fait qu'il est de plus en plus pris dans un engagement politique, il devient un poète civil, c'est-à-dire un poète engagé dans la société. Et à ce moment-là, parfois, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de réflexif, de discursif prend un peu le pas sur la poésie même. Mais ce qu'il va appeler sa vitalité désespérée va lui permettre de dépasser ça. Mais en même temps, il devient un poète politique et parfois un poète pamphlétaire. De plus en plus ? De plus en plus. De plus en plus, au fur et à mesure que, finalement, ce qui est poétique passe dans le cinéma, je pense aussi. Et puis parce qu'il y a un désespoir qui s'instaure, il le dit. Mmh. Il parle de désespoir. Il parle aussi de vitalité. Et ça nous vaut des choses absolument splendides dans ce qu'il écrit. Mais parfois des poèmes qui n'en sont, alors je ne parle pas de poésie en forme de rose, quoique, ou de la religion de mon temps, mais plutôt de transhumanisé, organisé, où là, on va avoir parfois des poèmes qui sont en réalité, enfin vraiment des pamphlets, mais il y en a déjà dans les recueils précédents. Donc c'est très étrange parce que il y a quelque chose de très multiforme dans l'écriture de Pasolini. Mais je crois qu'il vaut mieux que je lise... Alors, je vous en prie, c'est vous qui aurez les mots de la fin. Voilà. La cinquième douleur, c'est de savoir que des milliards d'êtres vivants, par un beau matin, s'éveilleront, comme en un tout autre matin de leur vie, sous le simple soleil de l'Europe future, avec ses mûriers, ses primes verts, ou bien sous le soleil profond de l'Inde, dans la puanteur sublime du choléra, qui ondoie sur de frêles corps nus comme des esprits, ou bien sous l'impudique soleil de l'Afrique de plus en plus moderne sur le ver de la mort qui servira de cadre aux dons furieux de la vie, ou bien sous ce soleil de Fiumicino, au soleil de fleuve qui fait de l'odeur de boue une fête d'humble immortalité latine. Des milliards d'êtres vivants par un beau matin s'éveilleront au simple triomphe de 1000 matins de vie, leurs tricots brûlés, baignés d'une première sueur. Heureux, cela heureux. heureux cela seulement. Mais là, on dirait que vous lisez un passage de l'Évangile. Cela heureux, seulement. Heureux cela seulement, les plus pauvres, ceux qui vont se réveiller encore plus malheureux. Cela seulement, possesseur du soleil. C'est magnifique. Et le poème s'achève, si je peux encore lire ça. On voit s'ouvrir comme une aurore Rome derrière les méandres du Tibre, gonflée d'arbres splendides comme des fleurs, blanchoyante cité qui attend ceux qui vont naître, forme indécise comme un incendie, dans l'incendie d'une nouvelle préhistoire. Ce sera le mot de la fin alors. Nathalie Castagnier. Merci beaucoup d'être venu parler de Pasolini ce matin. Merci à vous. Je renvoie au recueil Poésie, au pluriel 1943-1970, que vous avez co-traduit et qu'on trouve aux éditions Gallimard, Poésie de Pasolini, évidemment. On se quitte avec Bev al quartiere d'Ungheria. Oh mamma, la mia mamma con una gran passion, veder quei giovanotti ander contra i canon, veder quei giovanotti ander contra i canon. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de Hayek, mais de Friedrich Hayek et non de Salma Hayek. Ah ouais, non, ce n'est pas de l'actrice dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de Friedrich Hayek qui m'occupe donc aujourd'hui, l'économiste prix Nobel, né en 1899 et mort en 1992, celui que l'on associe aux mouvances les plus extrêmes du libéralisme, avec sa théorie du laisser-faire et qui sert d'épouvantail à tous les critiques du marché. Loin pourtant de se réduire à cette seule dimension, un livre vient de paraître pour faire la lumière sur toutes les facettes de ce penseur, avec une question cruciale, connue des philosophes politiques les plus classiques, comment des individus aux intérêts divers, voire divergents, peuvent-ils cependant vivre ensemble ? Socialism assumes that all the available knowledge can be used by a single central authority. It overlooks that the modern society, which I now prefer to call the extended order, which exceeds the perception of any individual mind, is based on the utilization of widely dispersed knowledge. Quand on parle d'Hayek, on a tout de suite en tête ce genre d'idée, la critique féroce de l'ordre, de l'État, du socialisme qui veut à tout prix concentrer en un tout des individus, des intérêts, des opinions pourtant dispersées. Le parcours et la pensée de l'économiste sont toutefois beaucoup plus nuancés que cette simple critique, même si effectivement, on lui doit quand même cette critique. Comme l'explique Thierry Aymard dans ce livre « Hayek du cerveau à l'économie » paru aux éditions Michalon, Hayek, avant d'être un économiste libéral, a été un grand explorateur du cerveau humain. Sa découverte, aussi paradoxale que cela puisse être, l'ignorance. Et oui, dans l'ordre sensoriel, son livre paru en 52, Hayek révèle que l'ignorance est en fait la première donnée à prendre en compte quand on considère chaque individu. Chacun est en effet ignorant des autres, mais d'abord de lui-même, de ce qui l'anime. Alors comment, à partir de là, organiser une vie ensemble fondée sur l'échange ? De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Qui faisait rêver les gueux en loques, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la breloque, le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, qui dans sa ferme son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part, ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le Dieu dans son église, le Dieu dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, ce soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Comme tout penseur politique, Hayek a pensé la vie collective en redéfinissant dans le même temps l'individu, une subjectivité indépendamment de toute coopération. Naturellement bon ou méchant, comme l'ont postulé respectivement Rousseau et Hobbes, Hayek a donc opté pour sa part pour l'ignorance du sujet. Et c'est sur cette thèse d'une ignorance fondamentale qu'il va critiquer le planisme du socialisme ou appréhender les crises financières. Mais comment ? Comment organiser les relations entre des individus étrangers les uns aux autres et étrangers à eux-mêmes ? Comment l'ignorance peut-elle, contre toute attente, fonder et légitimer l'échange avec autrui, une organisation collective, une bonne vie pour chacun ? C'est là toute la découverte d'Hayek, ne pas ignorer l'ignorance, mais miser sur elle pour éviter cette prétention de connaissance qui pense tout connaître de chaque individu, de ses capacités, de sa force de travail ou créatrice, et qui, surtout, prétend construire un tout sur des normes, au fond, très réductrices. On se souvient rarement aujourd'hui que le socialisme à ses débuts était franchement autoritaire. Les écrivains français qui posèrent les fondations du socialisme moderne étaient convaincus que leurs idées ne pouvaient être mises en pratique que par un gouvernement dictatorial. À leurs yeux, le socialisme signifiait une tentative pour achever la révolution par une réorganisation délibérée de la société sur un plan hiérarchique et l'exercice d'un pouvoir spirituel de coercition. Les fondateurs du socialisme ne faisaient pas mystère de leurs intentions à l'égard de la liberté. Ils considéraient la liberté de penser comme la source de tous les maux du XIXe siècle, et le premier des planistes modernes, Saint-Simon, prédisait même que ceux qui n'obéiraient pas à ses plans seraient traités comme du bétail. Valorisation de la liberté, de l'exploration de la subjectivité, mise en avant de la singularité contre l'homogénéisation du collectif, ignorance flirtant avec l'inconscient freudien, à lire ce livre de Thierry Aymard, la pensée d'Hayek est vraiment inattendue et séduisante. Alors pourquoi a-t-elle été aussi mal comprise ? Comme Ayn Rand, chef de file de l'égoïsme libertarien, ou même Hobbes, il y a un trouble concernant tous ces penseurs, rangés du côté droit et réac de la politique, voire du côté du mal, et qui nourrissent pourtant toute une pensée du soi et des individus condamnés à vivre ensemble. Pourquoi les rejeter ? Est-ce par bonne conscience ou alors par crainte d'être voué à soi seul et à son propre risque ? Merci beaucoup Géraldine. Alors le livre sur Hayek que vous nous conseillez de lire ? Donc c'est de Thierry Aymard, c'est du cerveau à l'économie, dans les excellentes éditions Michalon, le bien commun. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Azubert à la prise de son aujourd'hui, Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Pasolini. Demain, nous serons en compagnie de René de Secatti. On naviguera à travers les écrits du Pasolini intime et de son désir de rester le fils de sa mère, adulte, jamais. C'est ce qu'il affirmait. On comprendra demain le sens de cette affirmation. D'ici là, pour réécouter cette émission, rien de plus simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, y compris hors connexion. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et nouvellement Instagram. Il y a un compte désormais des Chemins de la Philosophie sur Instagram qui n'attend que vous pour exister. Alors, rendez-vous en ligne. Et puis, bien sûr, demain, à 10h précise, sur France Culture, nous, on sera là.